Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAC sur Radioactive. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un rendez-vous devenu incontournable à Mône. Mône, en fait, le festival des arts et métiers qui revient pour sa 6e édition les 12, 13 et 14 septembre. 3 jours de découverte, de convivialité avec des artisans, des démonstrations, des spectacles. Bref, un vrai moment de fête au cœur du village. Chaque année, nous avons un représentant de Mône en fête qui vient nous en parler, habituellement Christophe Villemain, maire de Mône, qui aujourd'hui est représenté par Didier Sorniard, bénévole. Bonjour Didier. Bonjour. Alors à Radioactive, on est heureux d'être partenaire de cet événement local. L'équipe sera en effet présente sur place pour un direct spécial dès 10h30, vendredi 12, afin de donner la parole aux élus, parmi lesquels des représentants de la région, du département ou encore notre député d'Indre-et-Loire. On va parler aujourd'hui donc de ce programme, Didier. Alors Mône en fête, c'est déjà la 6e édition. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'origine de départ de ce projet? Alors, au tout départ, en fait, c'est avant tout une fête de village qui s'est transformée petit à petit avec une idée donc qui est liée à l'équipe municipale de mettre en avant les métiers d'art, les savoir-faire qu'on a en fait en région centre. Et cet objectif, en fait, il s'est donc développé grâce à la participation des différents centres de formation de la région centre. C'est-à-dire des centres de formation en sculpture sur pierre, en charpente, enfin, dans plein de domaines différents. Oui, ils sont tous là et c'est ce qui rend ce festival unique par rapport à d'autres manifestations autour de la formation. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce festival, donc, il est bien sûr très très orienté découverte des métiers d'art, mais il est très orienté sur les élèves de 3e, sur des jeunes qui veulent se reconvertir. Et vraiment, l'objectif, nous, c'est de mettre en avant les formations qui vont en face de ces métiers pour donner un outil tout en un. D'ailleurs, en plus, il y a aussi un forum de l'emploi durant ces 3 jours. L'objectif sous-jacent aussi de cette manifestation, c'est de pouvoir soutenir le projet d'installation d'une école inclusive sur la commune de Mône au travers de la Fondation de Musique et un Sourire. Oui, tout à fait. Durant ces 3 jours, il y a un peu 2 grands axes. Donc l'axe, on va dire, métier d'art, formation. Et il y a l'axe donc, de créer une nouvelle école sur le village de Mône, une école inclusive pour tout type d'élèves absolument, mais qui prend en charge tous les élèves avec certaines difficultés, dont l'autisme. Voilà. Et ce projet est mis en place sur le village depuis au moins 6-7 ans. Et on a axé ce projet en fait par rapport à la musique, d'où le fonds de dotation Une musique, un sourire. L'objectif dans un premier temps, c'était de mettre en place des concerts dans des cathédrales pour récolter des fonds. Donc depuis des années, il y a des concerts qui sont mis en place régulièrement, Orléans, Chartres, Mône. Voilà, on collecte des fonds et pendant ce temps-là, on monte le projet, parce que c'est très très long de monter un projet comme ça, que ce soit d'un point de vue financier comme d'un point de vue administratif et technique. On a des éléments de point d'étape de ce projet un petit peu? Oui, tout à fait. Le projet avance bien mais lentement, comme tous les projets conséquents. Le terrain est acheté, maîtrise d'ouvrage est mis en place. Il y a quelques années, un voyage a été mis en place en Nouvelle-Zélande. En fait, l'objectif, ce n'est pas entre guillemets, d'innover, mais d'aller chercher les bonnes solutions où elles sont. D'où le fait qu'on est accompagné par un cabinet d'architectes néo-zélandais qui met en place des écoles inclusives en Nouvelle-Zélande. Ça marche très très bien. Donc nous, l'objectif, c'est simple, hein, c'est de copier, faire un copier-coller de quelque chose qui marche. Et peut-être plus tard, si cette école un petit peu pilote en France fonctionne bien, ça serait de la dupliquer et qu'elle serve de modèle pour d'autres écoles en France. Très bien. Alors Mône en fête, c'est ce week-end, bien sûr, et il y a une belle programmation. Est-ce que vous pouvez nous parler des nouveautés ou des temps forts, justement, de cette édition 2025? Alors, dans les petites nouveautés qui sont très intéressantes, on essaye vraiment que ça soit un échange entre le public, les jeunes et les artisans qui sont présents. Donc, on va vraiment mettre un point d'honneur à développer tout ce qui est démonstration et tout ce qui est atelier, c'est-à-dire atelier participatif. Donc, atelier de tout âge, hein. Il y aura des ateliers qui seront adaptés, par exemple, aux jeunes enfants, 7, 8, 9, 10 ans. Des ateliers qui sont un peu plus pour les adultes, de la forge, fabriquer des petites pièces en cuir. Et voilà, donc il y aura tout un planning d'ateliers que vous retrouvez sur la page Facebook Mône en fête. Et après, une fois que vous êtes en fait pendant le festival, vous vous inscrivez. Pour certains ateliers, ils sont à des horaires fixes, d'autres, c'est toute la journée. Mais le programme est assez large, il doit y avoir 15 ou 20 d'ateliers mis en place durant ces 3 jours. On parle d'art et on parle de métiers. Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des échantillons, un panel des métiers qui seront représentés cette année? Alors, au niveau métier, on retrouve tous les principaux métiers liés à l'art et à l'artisanat. C'est-à-dire, on a des luthiers qui sont présents, des personnes qui sont spécialisées dans tout ce qui est musique, instruments de musique, que ce soit réparation comme construction, conception. On a bien sûr tout ce qui est charpente, on a tout ce qui est tailleur de pierre, on a la maroquinerie, on a tout ce qui est costumier, costumière. Hein. Ce sont des métiers absolument magnifiques. La broderie, on a tout ce qui est sculpteur sur bois, sur pierre. Et donc, en plus de tout ce côté-là, on a aussi, bien sûr, écrin d'artiste qui est dans la salle des fêtes. À la salle polyvalente, voilà. Et là, on est vraiment sur une exposition d'art, comme si on était dans un petit musée. La salle des fêtes est magnifique, elle est entièrement aménagée. Et voilà, comme ça, on pourra vraiment découvrir trois artistes très, très cotés, Lise Delmico, François-Édouard Finet et Patrick Caillot, donc un artiste sculpteur, un artiste peintre et un créateur sur bois tourné, sculpté. Alors la programmation de Mon En Fête, c'est pas seulement de l'artisanat. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir côté animation, spectacle, musique ? Alors en effet, en plus du Festival des Arts et Métiers, l'objectif c'est d'avoir trois jours festifs et très orientés autour de la musique. Donc dès le vendredi soir, on commencera par un petit concert de l'harmonie monnoise, parce que on est sur la fête de notre village. À partir de 19h30 jusqu'à 21h, on aura un concert de jazz avec le groupe Clet Carquet Jazz. Et dès 21h, en fait, l'objectif, c'est de mettre en place une soirée dansante avec un gros karaoké et une soirée dansante. Ça, c'est pour le vendredi soir. Très bien. Et voilà. Après, pour le samedi, on a plusieurs concerts en plein air. En fait, on a une très grande scène qui a été construite par les bénévoles du village de Mône. Et donc, on aura deux groupes le samedi soir, le groupe Marvelos et on aura Famia Thomas et son orchestre de variété. On salue Jean-Luc qui nous écoute, évidemment. Et donc là, de 19h à 1h du mat, sans aucun souci. Et le dimanche après-midi, moi j'ai vu aussi dans le programme Didier la Grande Ursula à 14h30. Oui, il y a aussi un gros gros programme le dimanche 14 septembre. D'ailleurs le programme commence dès le dimanche matin à 11h dans l'église de Mône. Il y a un concert classique, flûte et jazz piano avec l'ensemble Adelphia qui vont reprendre des musiques de Claude Bolling. Donc voilà, première étape dimanche matin. Par la suite, le dimanche après-midi, nous aurons à partir de 14h-14h30 la Grande Ursula, donc à l'Orangerie, sur la scène. Et après, une déambulation de la bomba de Jules, qui va jouer même d'ailleurs dès 12h et qui va continuer certains concerts pendant tout le dimanche après-midi. Et je suis sûre que la Grande Ursula, vous vous demandez ce que ça donne. Eh bien, on écoute tout de suite sur Radioactive avec Cumbia Extranjera sur Radioactive. C'est parti, ce sera à 14h dimanche à l'Orangerie à Mône. fini les fêtes populaires. Discothèque à vasion, pas de Sébastien dans les chaumières. Avec un air de fête grisonnant sous les paupières. Et avec ça, ils nous disent qu'on est moins pauvres qu'hier. La granozo, la passe, embrasse les pavés sous la page. Les marus font la masse, feu d'artifice en marécage. On hymne des fiestas, Temir et Tesonia. De tour à Mexico, d'Amboise à Bogota. Il suffit de tendre l'oreille, écoutez le chant du monde. Polyphonie profonde, déferlante à la ronde. Politique du silence, écoutez notre joie qui gronde. C'est détresse qu'on programme et tristesse dans vos ondes. Nous, c'est trompette, sax, miro, abortaison. La cumbia, la cumbia callejera, la cumbia de la rue, la cumbia cenaguera. Eso sí, es la cumbia, la cumbia callejera. La Gran Ursula, que vous retrouverez à l'Orangerie à 14h30 à Mône, dans le cadre de Mône en Fête, 6e édition, les 12, 13 et 14 septembre. Et c'est Didier Sorgnard aujourd'hui qui est venu nous en parler. Didier est bénévole. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous êtes bénévole depuis le début ? Depuis le tout début, oui, ça fait 6 ans déjà. Ça passe vite. Et ouais, ça passe vite. Quand on parle de bénévoles, ça rassemble justement combien de bénévoles ? Est-ce qu'on a une idée aussi du nombre de partenaires que ça peut englober, cette manifestation ? Alors, au niveau des bénévoles, on est plus de 50 bénévoles, des bénévoles qui travaillent toute l'année, en fait, parce qu'il y a toujours des choses à monter au niveau administratif, au niveau financier, aller chercher des partenaires, puis tous les bénévoles qui sont là pour monter les stands, nettoyer, ranger, préparer les choses, créer justement cette très grande scène, mettre en place tout ce qui est pratique, logistique, des nouveaux sanitaires, voilà. Donc il y a un énorme travail, donc plus de 50 bénévoles. Et au niveau partenaire, car ce sont les partenaires qui font vivre en premier lieu cet événement, je crois qu'on est à 85 partenaires financiers qui permettent de monter. On les remercie très très fortement parce que sans eux, sans les bénévoles, il n'y aurait pas grand-chose en fait. Et bien sûr, on n'oublie pas tous les partenaires institutionnels, la région, le département et la communauté de communes du Val d'Amboise. Et vous, en tant que Mônois, qu'est-ce que ça représente pour vous de voir Mône rayonner à travers ce festival des arts et des métiers ? Eh bien, c'est toujours impressionnant de voir un petit village de moins de 900 habitants qui est capable, sous la direction d'une équipe dynamique, de mettre en place un tel événement. Ça fait rayonner notre village. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui sont venues s'installer, des gens qui voulaient donc soit acheter une maison, soit des professionnels qui voulaient s'installer, professionnels de la santé, se sont installés parce qu'ils ont vu le dynamisme du village. Et effectivement, il y a une vraie dimension humaine et locale dans ce festival Mône en Fête. On pense à Sonia, Delphine et toutes les équipes qui brassent beaucoup de boulot. Pas seulement ces 3 jours, mais pendant toute l'année, comme vous l'avez précisé. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, comment on fait pour venir ? Comment on accède au programme complet ? Alors, le programme complet, vous le trouvez donc sur la page Facebook Mône en Fête. Pour venir, c'est assez simple. Quand vous venez d'Amboise, en fait, en arrivant dans le village, juste à l'entrée, sur la gauche, au niveau de la salle des fêtes, il y aura un immense parking. Et les deux sites, le parc de l'Orangerie sur la gauche et le parc d'automotion à la droite, vous avez des espaces restauration, buvettes pendant les 3 jours, donc vous pourrez manger. Il y a toute une gamme de petits restos qui sont mis en place, c'est très sympa. Alors attention toutefois, cette année, l'entrée est au tarif de 5 euros, donc le pass samedi-dimanche. Est-ce que ça veut dire qu'il faut réserver avant de venir cette année ? Alors, il n'y a pas besoin de réserver, puisqu'il n'y a aucune prévente, tout se fait sur place. Et en fait, oui, cette année, afin de pérenniser l'événement, on a décidé de mettre en place en fait une participation de 5 euros, qui comprend aussi un ticket de tombola. Cette participation est pour le pass samedi-dimanche, pour toutes les activités, toutes les scènes musicales. Je rappelle aussi que le vendredi, toute la journée, c'est ouvert au public, c'est absolument gratuit. Le vendredi soir, c'est absolument gratuit. Écran d'artistes dans la salle des fêtes, c'est gratuit en permanence. Je précise aussi que pendant les 3 jours, c'est absolument gratuit pour les moins de 18 ans. En fait, cette participation, c'est pour sécuriser un budget financier qui est quand même assez conséquent. Ok, merci beaucoup Didier Sorgnard d'avoir été avec nous pour présenter cette 6e édition de Mône en Fête, Festival des Arts et des Métiers. On note bien les dates 12, 13 et 14 septembre au Parc des Tomeaux, à la salle polyvalente, mais aussi à l'Orangerie. Un week-end riche en découvertes et en rencontres et en bonne humeur. Et puis Radioactive qui, je le disais, sera aussi de la fête avec un direct vendredi à partir de 10h30 pour faire vivre cet événement et donner la parole aux élus. Et puis on a une bonne nouvelle aussi pour les auditeurs, c'est qu'il est encore temps de tenter de remporter vos places sur le Facebook de Radioactive 93 et 94.7 FM puisque l'équipe nous a gentiment fait don de places pour vous, chers auditeurs. Merci beaucoup Didier. Merci beaucoup et au plaisir de vous voir durant ces 3 jours. Merci et bon festival. C'est la fin de ce mag, vous pourrez le retrouver en podcast sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM, mais aussi sur notre site internet radioactivefm.fr. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.